Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Vous attendez une petite musique ? Une phrase d'accroche absurde ? Un détournement du livre de l'invité pour vous vanter un produit débile qui n'existe pas et qui vous aidera à mieux vivre ? Eh ben non. Cette semaine, j'en ai marre. Il n'y aura pas de fausse pub. Rien à vendre. Plus rien en boutique. Nada. Cette semaine, je me repose. Je reste en pyjama dans mon canapé et je me fais la totalité de la saison 6 de Game of Thrones que j'ai pas pu regarder parce que toutes les semaines, je dois vous faire rigoler. Ça vous défrise ? Je suis simplement les préceptes de Fabrice Midal. Je me fous la paix. Si vous n'êtes pas content, vous n'avez qu'à joindre Fabrice Midal au 06 31 17. Il vous expliquera pourquoi. Alors merci et bonne journée. Et surtout, foutez-vous la paix. Et la mienne par la même occasion.